Flora Hadzer par Constant Guérou. L'automne commençait à prendre ses teintes fauves et son atmosphère de brume lorsque j'arrivais à Caire, petite ville de Saxe, située à une demi-lieue d'une longue chaîne de côtes boisées au bord d'une rivière profonde et limpide et tout émaillée d'une quantité de jardins qui lui donnent un aspect plein de grâce et de coquetterie. Je m'étais détourné de mon itinéraire pour aller serrer la main d'un excellent jeune homme dont j'avais fait connaissance à Paris et qui m'avait témoigné une amitié toute particulière jusqu'au jour où il nous avait quittés pour retourner dans sa famille. Karl Barton était une de ces natures faciles et sympathiques vers lesquelles chacun se sent traîné et qui se trouve toujours bien dans le milieu qu'ils enveloppent, parce qu'entièrement dénuées d'énergie et d'initiative, elles s'assimilent sans peine aux caractères les plus opposés et ne connaissent aucune des répulsions violentes qu'éprouvent les organisations vigoureusement accentuées. Il avait les yeux bleus, les cheveux châtains clairs et la barbe blonde. Ses traits, un peu trop pleins et trop arrondis peut-être, étaient pâles et avaient une expression de naïveté charmante, surtout lorsqu'un sourire venait les éclairer et montrer une double rangée de dents parfaites de forme et de blancheur. Avec un penchant très prononcé à la mélancolie, il s'abandonnait facilement au rire pour peu qu'il y fût excité. Mais jamais il n'apportait parmi nous sa part de gaieté autrement que par sa facilité à se mettre à notre unisson. Ses parents appartenaient à la religion réformée, et je trouvais en eux les types rigides, austères, des protestants de la Saint-Barthélemy et de l'édit de Nantes. M. Barton, l'un des premiers magistrats de la ville, était un homme tout d'une pièce, un caractère inflexible qui, lorsqu'une fois il avait adopté un principe, le poussait jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Sa foi religieuse allait jusqu'au fanatisme, et il était pour les mœurs d'une sévérité dont jamais je n'ai eu d'exemple jusque-là et qui m'expliqua seule l'excessive retenue que j'avais admirée jadis dans son fils. Madame Barton, grande, maigre et d'une pâleur ascétique comme son mari, partageait en tout ses opinions, dont l'austérité était tempérée chez elle, par la tendresse passionnée qu'elle portait à son fils et qui se reflétait sur tous les sentiments. Ce fut cet amour maternel qui, malgré la différence de nos religions, me valut un accueil plein d'affection et de cordialité dans cette famille où je fus traité dès mon arrivée comme si j'eusse été des leurs. Karl me reçut avec une effusion toute fraternelle, s'inquiétant de ma santé, de mon bonheur, de mes songes d'avenir, se faisant une joie de parcourir avec moi tous les environs de Caire et de m'initier aux beautés calmes et harmonieuses des campagnes de la Saxe. Plusieurs heures s'écoulèrent ainsi en projet de plaisir, en échange de confidences, en retour sur le passé. Puis je vis cette exaltation s'abaisser graduellement chez Karl, et je me convainquis bientôt que ce penchant à la rêverie que j'avais remarqué en lui autrefois n'avait fait que grandir depuis notre séparation et jeter sur sa physionomie une teinte de profonde tristesse. J'allais lui demander s'il n'avait pas quelque chagrin, quelque peine secrète à confier à mon amitié, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Je me retournai et me trouvai en face d'une délicieuse jeune fille âgée de 17 ans à peine, aux cheveux d'un beau blond cendré, au teint éblouissant de fraîcheur, au regard presque hardi, à force d'ignorance et de candeur. Je me dis aussitôt que c'était là sans doute ce qui rendait mon ami si rêveur. Mais la façon toute simple dont il l'a reçue quand elle a couru vers lui, au calme inaltérable qu'il conserva en l'embrassant lorsqu'elle lui tendit naïvement ses deux joues, je dus reconnaître que je m'étais trompé et renoncé à cette idée. Après avoir répondu à mon salut par une révérence charmante de gaucherie, elle nous quitta pour se rendre près de Madame Barton. Alors Karl m'apprit, toujours avec le même sang-froid, que cette jeune fille était Geneviève, sa cousine et sa fiancée. Je lui adressai mes félicitations, mais il les écouta d'un air distrait et me proposa brusquement une promenade vers un petit coteau, d'où j'aurais, me dit-il, un panorama exact de la ville de Caire. Nous partîmes donc bras dessus, bras dessous, et 10 minutes après, nous étions en pleine campagne, gravissant lentement un petit coteau, au flanc duquel s'étalait un joli village qui formait comme un des faubourgs de la ville. Tout en marchant, nous nous étions mis à rappeler un à un nos souvenirs de Paris, et Karl était revenu avec une chaleur et un entraînement inexprimables sur toutes ces délicieuses parties de plaisir où s'était cimentée notre amitié. Mais je m'aperçus bientôt que ce feu s'éteignait, à mesure que nous approchions du village que mon ami avait choisi pour but de notre promenade, et au moment où nous arrivions aux premières maisons, non seulement il avait cessé de parler, mais il n'entendait même plus les questions que je lui adressais. Il paraissait être tombé sous l'empire d'une idée qui l'absorbait profondément. Je me mis à l'étudier dans l'espoir qu'un geste, un regard, un signe me révéleraient la nature du sentiment qui le dominait à ce point, et je m'aperçus que ses yeux se tournaient fréquemment vers une petite maison à façade de briques, tapissée dans toute sa hauteur d'une épaisse couche de lierre et de vignes vierges. À trois pieds en avant de la maison et sur toute la longueur de la façade, s'élevait un treillage peint en vert qui disparaissait presque entièrement sous une profusion de roses du Bengale, et de chaque côté de la grande porte s'élançaient deux sorbiers dont les fruits rouges se détachaient vigoureusement sur le vert sombre du feuillage. Il y avait dans la grâce champêtre de cette demeure, dans la netteté minutieuse de la façade, dans cette prodigalité de fleurs et de verdure, une certaine grâce apprêtée qui sentait le décor d'opéra. J'allais faire part de cette remarque à Karl, quand je vis quelque chose se mouvoir derrière la haie de rose, et en observant bien, il me sembla que ce quelque chose ressemblait beaucoup à une tête de femme. Je crus avoir enfin le mot de l'énigme que je cherchais depuis une heure, c'est-à-dire l'explication de la rêverie obstinée et des nombreuses distractions de mon ami Karl. Je me tournai vers lui, et son visage, tout bouleversé par l'émotion, me prouva que cette fois mes conjectures n'étaient pas tombées à faux. Ses regards, dirigés vers le point où un mouvement venait de me révéler la présence d'une femme, se fixaient surtout, avec une ardeur dévorante, sur le pied du treillage, comme s'il eût cherché là quelque objet précieux. Il s'était arrêté tout à coup, et les traits pâles, la main crispée sur la poitrine, comme s'il eût étouffé sous la violence des émotions qui affluaient en lui, il murmurait tout bas, avec l'accent bref et saccadé d'un homme frappé de folie. « Mon Dieu, ayez pitié, mon Dieu, faites qu'elle se souvienne, car vous savez bien que je mourrai si... » Il acheva le reste à voix basse, en remuait seulement les lèvres, sans qu'un son pût sortir de son gosier. « Eh bien, lui dis-je avec un calme qui le rappela un peu à lui-même, as-tu l'intention de demeurer ici jusqu'au soir ?»« Non, non, avançons, » me dit-il. Il s'appuya sur mon bras et nous reprîmes notre marche. « Voilà une charmante demeure, » dis-je à Karl. « Sais-tu quel en est le propriétaire ?»« Mais, » répondit Karl, dont l'agitation était extrême, on dit que c'est un médecin hongrois qui est venu s'établir ici il y a quelques mois. Seul? Non, il est marié. À la bonne heure, car cette petite villa a tout l'air d'un île amoureux. Je sentis le bras de Karl tressaillir sous le mien. Je jetai les yeux du côté qui attirait si obstinément ses regards et je vis une jolie rose, la plus fraîche et la plus vivace de toutes peut-être, détachée de sa tige et tombée au milieu du petit sentier sablé qui longeait le treillage. Karl l'avait déjà aperçu, il semblait la couver de son âme, et ses traits rayonnaient de cette volupté immense et profonde qui vous brise le cœur et vous arrache des larmes. Quand nous fûmes arrivés là, il laissa tomber naturellement son chapeau qu'il tenait à la main, et en le ramassant, il enleva la rose. Je profitai de ce mouvement pour jeter un coup d'œil sur la femme que je n'avais fait qu'entrevoir de loin, et qui se tenait assise de l'autre côté de la haie, les yeux baissés sur une broderie. Je demeurai ébloui. Non seulement cette femme était d'une beauté merveilleuse, mais il y avait en elle un charme étrange et tout-puissant qui étonnait l'esprit et frappait l'imagination. Ses yeux noirs, qu'elle releva sur moi une seconde, exprimaient avec une éloquence les joies profondes, les doutes sans cesse renaissants, les luttes douloureuses et accablantes de quelque grande passion. Ses traits pâles, encadrés dans une admirable chevelure, lui retombait de chaque côté en deux longues boucles noires, épaisses et brillantes, était empreinte d'un mélange de tendresse dévouée et de volonté énergique qui donnait à sa beauté un air d'élévation et de poésie que je n'ai vu à nulle autre femme. Je fus tiré de ma contemplation par l'apparition subite d'un personnage qui se montra tout à coup au seuil de la porte et dont l'aspect me causa un désenchantement complet. C'était un homme de 40 ans environ, aux cheveux noirs crépus, à la barbe épaisse, au teint bronzé, à la structure herculéenne et pourtant, répandu sur toute sa personne, quelque chose de morne, de sombre et d'inflexible qui vous jetait le froid dans le cœur. C'était le médecin hongrois. Il regarda Karl d'abord, puis sa jeune femme, avec une expression d'ironie si froide et si imperceptible qu'il eût été impossible de la deviner sans le rapide éclair qui jaillit en même temps de ses yeux. « Flora, dit-il à sa femme d'une voix grave et concentrée, pourquoi vous obstinez à rester dehors par le froid qu'il fait? Vous finirez par vous enrhumer, ma bonne amie. » La jeune femme, qui avait légèrement frissonné au son de cette voix, ne répondit pas. Elle se leva, roula sa tapisserie avec soin et rentra lentement dans la maison sans retourner la tête. Alors Karl m'entraîna loin de cette demeure avec un empressement que je modérais de toutes mes forces dans la crainte que le médecin n'eût les yeux fixés sur nous. Et quand nous eûmes gagné une espèce de ravin boisé qui nous mettait à l'abri de tous les regards, il s'assit au pied d'un arbre, plongea sa tête dans ses deux mains et se mit à pleurer. Je compris que c'était le trop-plein de bonheur qui débordait. Je m'assis à ses côtés et j'attendis. « Oh, mon ami !» me dit-il au bout d'un instant, en me pressant les mains avec une joie fiévreuse. « Cette fleur, oh, si tu savais ce que c'est que cette fleur, tu comprendrais le délire où tu me vois. »« Eh bien, voyons, parle, lui dis-je, car je vois que tu seras enchanté de me raconter en détail toutes les phases de ton bonheur. » Il appuya longtemps la rose sur ses lèvres, puis il reprit. « Écoute-moi donc. Depuis mon retour à Caire, je fréquentais la maison d'un vieux conseiller, ami de ma famille, chez lequel on rencontrait la plus agréable société de la ville. J'avais perdu en vous quittant toute la gaieté que vous m'aviez communiquée pendant mon séjour à Paris. Je ne me sentis aucun goût pour les plaisirs que recherchaient tous ceux de mon âge, et l'on s'étonna beaucoup de ne me voir jamais valser, quoiqu'il eût là des jeunes filles fort jolies. Je laissais toute espèce de jeu pour causer science, histoire, philosophie avec le conseiller et quelques savants qui venaient assidûment à ces réunions. Un soir, la femme du conseiller nous annonça que notre cercle habituel allait être augmenté de deux nouveaux venus, le docteur Hatzer et sa femme, que quittait la Hongrie pour venir se fixer à Caire. Elle nous recommanda à tous de faire un accueil cordial à deux étrangers qui arrivaient dans un pays où ils n'avaient ni amis ni connaissances, et me raillant sur ce qu'elle appelait ma misanthropie, elle me demanda si, en cette considération, je ne descendrais pas un instant des hauteurs de ma gravité pour proposer une valse à Madame Hatzer, dont la beauté, ajouta-t-elle, me rendrait peut-être ce sacrifice fort léger. J'allais répondre lorsque la porte du salon s'ouvrit. C'était le médecin hongrois et sa femme qui entraient. « Tu viens de la voir, mon ami, tu comprends l'effet qu'elle a dû produire, mais rien au monde ne saurait te rendre l'impression qu'elle fit sur moi. » J'éprouvais tout à coup à son aspect quelque chose de tendre et de douloureux à la fois qui me serra le cœur. Ce fut non pas un élan passionné qui m'emporta vers elle, mais une sympathie profonde, irrésistible, qui pénétra tout mon être et me fit désirer de consacrer ma vie entière à son bonheur. L'invitation que venait de m'adresser la femme du conseiller me permettait de manquer pour elle à mes habitudes sans rien laisser soupçonner de mes sentiments. Après bien des hésitations, je l'abordai en proie à une émotion qui m'ôtait presque l'usage de la parole et je lui proposai une valse. Elle attacha sur moi son beau regard et à je ne sais quelle rapide et insaisissable expression qui glissa sur ses traits comme un éclair, je compris qu'elle avait deviné tout ce qui se passait en moi. Elle demeura un instant incertaine, comme s'il se fût agi pour elle d'un engagement sérieux, puis mettant sa main dans celle que je lui tendais, « J'accepte. » me dit-elle d'une voix si grave et si pénétrante que j'en fus tout bouleversé. La valse commença. Je la vis comme à travers un rêve. Ses yeux éblouissants, son teint pâle, ses cheveux noirs étincelants comme le jais, tout cela fuyait devant moi comme une forme fantastique et impalpable. La valse finie, j'étais hors de moi. Je quittai le salon et m'en fus me promener dans le vaste jardin qui s'étendait derrière la maison. Je sentis tout à coup comme une illumination intérieure qui me montra cette passion entourée de tableaux funestes et de sinistres catastrophes. Mais tout en comprenant que cet amour c'était ma perte et la sienne peut-être, il ne me vint pas un instant à l'esprit de le combattre. Je m'y abandonnai au contraire avec une ineffable volupté. Pendant 3 mois entiers, le docteur Hatzer ne manqua pas une seule des soirées du conseiller, et je pus voir et entretenir Flora 2 fois par semaine. Jamais je ne lui avais parlé de mon amour, mais elle savait à quel point je l'aimais, et j'avais 1000 preuves pour une que mes sentiments étaient partagés. Un jour, elle vint avec une rose du Bengale à son corsage. Je n'osais la lui demander, mais mon regard s'attacha sur la rose d'abord, puis sur ses yeux, avec une expression si suppliante et si passionnée qu'elle me comprit, et quand sonna l'heure où tout le monde se retirait, la rose tomba de son corsage à terre où je la ramassais. Depuis ce jour, elle ne vint jamais sans apporter une rose, que j'emportais toujours et que je passais toute ma nuit à regarder et à couvrir de mes baisers. Mon bonheur était si immense. une volupté si profonde et si pure débordait de mon âme que je me disais parfois avec épouvante qu'une félicité si complète ne pouvait durer et que je redoutais qu'une catastrophe imprévue ne vînt bouleverser subitement ces joies ineffables. Mes craintes ne tardèrent pas à se réaliser. Je m'aperçus que le Hongrois ne m'adressait jamais la parole, qu'il me répondait avec une froideur glaciale et presque impolie quand par hasard je lui adressais une question, et plusieurs fois je surpris son regard arrêté sur moi et sur sa femme avec une expression de haine et de défiance. Sa jalousie était éveillée. Je le vis avec un indicible effroi, car je voyais poindre là l'orage que j'avais redouté et où allait s'abîmer peut-être notre bonheur. Un soir, il y a de cela 8 jours, elle ne vint pas. « Oh, mon ami, tout ce que j'ai souffert en quelques heures ce soir-là, rien au monde ne saurait t'en donner une idée. Je me figurais 1000 choses insensées, parmi lesquelles dominait toujours la pensée d'une éternelle séparation. Ne plus la revoir, ne plus effleurer sa main, ne plus respirer son haleine dans le feu de la valse. Oh non, impossible, car tout cela était devenu ma vie. C'était tout mon espoir avant le jour si ardemment désiré. C'était l'épanouissement de tout mon être, de toutes mes sensations, quand l'heure était venue, c'était le rêve de tous mes instants quand elle était passée. Et durant 3 soirées, mon ami, j'endurais cet horrible supplice d'attendre toujours, les regards sans cesse fixés sur la porte, le cœur palpitant chaque fois qu'on l'entrouvrait, et pourtant sans l'avoir vue. Mon Dieu, que j'ai souffert !» Karl se tut un instant comme accablé au seul souvenir de ses tortures, puis elle reprit. « Je n'osais demander de ses nouvelles de peur de trahir mon secret. » Et de la compromettre. J'osais encore moins aller rôder autour de sa demeure, redoutant par-dessus toute chose d'accroître encore la jalousie de son mari et de rendre impossible son retour dans la maison où j'espérais toujours les voir reparaître. J'étais dans la plus cruelle perplexité, flottant entre 1000 parties contraires, sur le point d'accomplir peut-être quelque éclatante folie, tant je souffrais de ne plus la voir lorsque tu es arrivé chez nous. J'étais bien heureux de te serrer la main. Mon ami, et pourtant, je te l'avoue, une pensée égoïste domina dans mon âme la voix de l'amitié. Je me dis aussitôt qu'il ne venait pas un étranger à Caire qu'on ne le conduisît à ce petit village, le plus joli des environs, et celui d'où l'œil embrasse le paysage le plus vaste et le plus pittoresque. Et si j'ai paru si joyeux en te voyant, c'est que je trouvais à la fois en toi un ami et un prétexte. Mais en partant il y a 1 heure, pour cette promenade, une pensée me vint qui comprima tout à coup dans leur essor toutes mes espérances de bonheur. M'aimait-elle toujours? Ce que j'avais pris pour une passion profonde, puissante, éternelle comme la mienne, n'était peut-être de son côté qu'un de ces rêves où l'âme se berce avec délices. Mais qu'elle oublie au premier incident qui vient l'en distraire. Et puis, il y avait 1000 chances pour qu'elle ne fût pas là ou pour qu'elle ne m'aperçût pas. J'étais donc en proie à une inquiétude mortelle et qui redoublait à mesure que j'approchais de sa demeure. Juge donc de ma joie lorsque je la vis à travers les roses du treillage, et surtout quand j'aperçus à terre cette fleur qui venait m'attester que je n'avais pas cessé d'occuper sa pensée. Ah, comprends-tu maintenant mon ivresse? Comprends-tu que je sois écrasé sous les éblouissements de joie et de volupté qui envahissent mon âme? Il y eut un moment de silence. Karl attachait sur sa rose des regards aussi passionnés que s'ils se fussent adressés à la femme qu'il aimait. Il la portait à ses lèvres avec une espèce de frénésie et en prononçant 20 fois le nom de Flora. « Hélas, mon pauvre ami, lui dis-je au bout d'un instant, tu as exprimé dans le courant de ton récit un sentiment dont j'ai été frappé et que je partage entièrement. Comme toi, je ne vois cet amour qu'à travers des images funestes et avec quelques dénouements terribles. « Oh, dit Karl, ce n'est là qu'un pressentiment auquel il serait insensé de s'arrêter. Non, Karl. C'est au contraire une pensée raisonnable, qu'il serait prudent de suivre, car elle est fondée sur la position de celle que tu aimes et sur le caractère de son mari, dont la physionomie trahit le naturel sombre et violent. Si pour ton malheur et pour le sien, Flora cédait un jour à ta passion, je n'ose prévoir ce que pourrait entraîner une pareille faute avec un homme tel que le docteur Hatzer. Va, me dit Karl, en attachant sur moi ce regard tout brûlant de la passion qui le dévorait. N'essaie pas de me détourner de cet amour, car je ne sache pas une considération au monde, pas une, entends-tu, qui puisse me faire renoncer à Flora. Mais s'il y allait de ta vie, ma vie, ah, quand j'en ferai le sacrifice avec joie pour 2 heures de l'amour de Flora. Et la douleur de ton père, les larmes de ta mère, de ta mère qui t'adore. » Karl se tut un instant, puis me pressant la main avec force. « Ne me force pas à te dire ma pensée, » me dit-il avec un air de résolution calme et inébranlable, « car peut-être aurais-tu horreur de moi. » Il se détourna et reporta ses regards vers la demeure du médecin hongrois dont on distinguait au loin les cheminées de briques. « Allons, » lui dis-je, « je vois bien que le mal est sans remède, n'en parlons plus. »« Rentrons, » me dit Karl, en m'entraînant vers le chemin que nous venions de parcourir. « Volontiers, » lui dis-je, « mais s'il y a une autre route pour retourner à Caire, je voudrais bien la prendre. Pourquoi ? D'abord, parce que je tiens à voir ces belles campagnes qui s'étalent devant nous si larges et si fertiles, et puis, parce qu'en repassant devant la maison au triage de roses, nous n'y verrons plus Flora, et nous y rencontrerons à coup sûr le regard défiant du docteur, dont il n'est pas prudent d'exciter davantage la jalousie. « Tu as raison, » répondit Karl en jetant en arrière un dernier regard de regret. Et nous nous mîmes en route. Une heure après, nous étions rentrés. On nous attendait avec impatience, car la table était servie depuis longtemps déjà et tout était réglé dans cette maison avec une exactitude minutieuse. Pendant tout le temps du repas, auquel assistait Geneviève, Karl se montra d'une gaieté et d'une expansion dont tout le monde parut stupéfait et que chacun attribua à mon influence. Madame Barton, surtout, était émerveillée des lazzis imprévus et des spirituels saillies qu'il semait dans la conversation avec une verve intarissable, et elle le regardait avec des yeux ravis. Quant à moi, quoique je ne lui eusse jamais vu cet entrain tout à fait antipathique à sa nature, je savais trop quel miracle inouï peut enfanter l'amour heureux pour m'étonner beaucoup de cette transformation. Quand on fut au dessert, M. Barton me demanda quelle contrée je comptais visiter en quittant l'Allemagne. Je lui répondis que je me rendrais en Italie. « Pourquoi n'allez-vous pas visiter la Hongrie ? » me dit-il. « C'est un beau pays, et une occasion imprévue vous procurerait en ce moment un excellent guide pour la parcourir. »« Quel est donc ce guide si précieux ? » ?»« C'est le docteur Hatzer. »« Ah ! » dit Karl en tressaillant à son nom. « Il va donc faire un voyage dans son pays ?» Il retourne dans l'intention de s'y fixer avec sa femme, dit M. Barton. Karl fut atterré. Ah, reprit-il bientôt, en faisant un violent effort, quand part-il donc? Dans 3 jours. Je regardai Karl. Il était d'une pâleur de marbre, et l'on eût dit, à voir la fixité fiévreuse de son regard, que la folie s'emparait de son cerveau. Mon Dieu, Karl, mon enfant, qu'as-tu donc? S'écria sa mère épouvantée d'un changement aussi subit. « Ce n'est rien, ma mère, » répondit Karl en portant la main à son front. « Rien, un peu d'air. Oui, c'est de l'air qu'il me faut. » Quelques instants après, nous étions sur une belle terrasse plantée au bord de la petite rivière qui baigne le pied de la ville. C'est l'endroit où les habitants viennent tous les soirs prendre le frais dans les beaux jours. Nous rencontrâmes là le vieux conseiller et sa femme, qui nous confirmèrent la nouvelle dont venait de nous faire part M. Barton au sujet du départ du médecin hongrois. Nous faisions pour la dernière fois le tour de la terrasse, quand il me sembla reconnaître de loin la tournure de Flora. C'était bien elle, en effet. Elle s'avançait au bras de son mari, et ils ne furent bientôt plus qu'à quelques pas de nous. Un désespoir profond, une tristesse solennelle, étaient empreints sur les beaux traits de Flora. Ses yeux s'arrêtèrent sur Karl, brûlant de douleur et de passion, exprimant avec une merveilleuse éloquence tout ce qui se passait dans son âme. Jamais je n'avais vu d'adieu plus navrant. Au même instant, le regard de son mari s'arrêtait sur elle avec une expression que je n'oublierai de ma vie. C'était en même temps l'amour, la jalousie, la haine, mêlés ensemble et portés au plus haut point de frénésie. Une fois seul avec Karl, je voulus fortifier son courage contre le coup qui le frappait si douloureusement. Mais il me répondit qu'il était résigné et me quitta brusquement pour se retirer dans sa chambre. J'espérais donc le trouver, sinon consolé, au moins assez calme, quand je descendis le lendemain matin dans la salle commune où j'avais coutume de trouver toute la famille réunie. Mais à ma grande surprise, il n'y était pas encore. Je montai à sa chambre. Elle était vide, et son lit demeuré intact prouvait qu'il n'avait pas reposé de la nuit. En rentrant dans le salon, j'y trouvai M. et Mme Barton, qui me demandèrent pourquoi Karl n'était pas encore descendu. J'allais leur répondre quand un homme entra bruyamment. C'était le docteur Hatzer. Sa figure était effrayante à voir. Le blanc de ses yeux était comme injecté de sang. On voyait frémir ses lèvres et tressaillir les fibres de son visage. Tout en lui trahissait une de ces fureurs profondes et formidables qui peuvent tout briser en éclatant. Cette impression était si visible que M. Wharton ne songea pas même à se conformer envers lui à cette politesse banale dont on use envers tout visiteur, et le laissa debout sans lui adresser la parole. Mme Wharton aussi le regardait avec une vive émotion, mais moi je tremblais plus qu'eux, car l'aspect de cet homme me révélait une partie de la vérité. « Monsieur Wharton, dit le docteur après un moment de silence et en proférant lentement chaque mot, comme s'il eût fait tous ses efforts pour contenir sa colère, « savez-vous où est votre fils à cette heure ?»« Je l'ignore, monsieur, mais je vais... » Le docteur fit un geste pour l'arrêter, et avec un sourire plus effrayant que la plus terrible colère. « Ne prenez pas cette peine. Je sais où il est, moi, et je vais vous le dire. » Il tira un papier de sa poche et le remettant à Monsieur Wharton. « Lisez, » dit-il. Madame Wharton jeta sur le docteur, puis sur son mari, un regard où se peignait la plus horrible inquiétude. Monsieur Wharton lut à haute voix. « Adieu, monsieur. Je ne vous ai jamais aimé, vous le savez. Je n'ai pu me faire à la pensée de retourner avec vous en Hongrie. Je pars. Je n'essaierai point d'excuser ma faute, que je suis assuré au reste d'expier un jour d'une façon terrible, car je vous connais bien. Je n'ai qu'une grâce, ou plutôt une justice, à vous demander. C'est de n'exercer votre vengeance que sur moi seul, quand viendra l'heure fatale, où vous pourrez l'assouvir. Car je suis seul coupable, j'ai agi de mon propre mouvement, et nul ne m'a entraîné. Adieu, Flora. » « Eh bien, monsieur ?» demanda M. Wharton au docteur. « Eh bien, répondit M. Hadzer, ma femme s'est enfuie cette nuit de ma maison, et c'est avec votre fils qu'elle est partie. » M. et Mme Wharton demeurèrent étourdis à cette nouvelle, qui tomba sur eux comme un coup de foudre. Jamais ils n'avaient même soupçonné cet amour, convaincus que Karen ne songeait qu'à Geneviève, sa fiancée. « Et maintenant, reprit le docteur, écoutez bien ceci, car ce n'est pas une vaine parole, mais un arrêt irrévocable que je vais prononcer. La veille de quitter ce pays, j'avais réalisé toute ma fortune que j'ai là, dans mon portefeuille, et avec laquelle j'espérais vivre heureux dans ma patrie. Eh bien, cette fortune, je vais la consacrer tout entière à la recherche des deux misérables qui ont brisé mon existence. Je les trouverai, car avec de l'or et un désir ardent de vengeance, il n'est rien dont on ne vienne à bout, et quand je les aurai trouvés, je les tuerai tous les deux. » Madame Wharton jeta un cri. « Monsieur ! Oh, monsieur ! » s'écria-t-elle, en tombant à genoux, les mains tendues vers le docteur. « Tous deux ! » répéta M. Hadzer avec un calme inexorable, et il sortit. Quelques heures après cette scène, je faisais mes adieux à M. et Mme Wharton, laissant la mère plongée dans les larmes, le père impassible au dehors et sans pitié pour un fils qui, suivant la rigueur de ses principes, venait de jeter sur son nom une honte ineffaçable. Je passais d'Allemagne en Italie où je restais tout l'hiver, et 6 mois après, j'étais de retour à Paris. Je pensais souvent à Karl, à Flora, au docteur Hadzer, et quand je me rappelais la résolution implacable de ce dernier, je ne pouvais m'empêcher de trembler pour mon ami. Où étaient-ils tous deux? Sans doute, ils avaient quitté l'Allemagne et vivaient dans quelque pays étranger. Mais dans quelle contrée s'étaient-ils retirés? Voilà ce que je n'avais pu découvrir. Un jour, je traversais une des plus belles rues du faubourg du Roule, la rue des Écuries d'Artois, quand je vis passer rapidement devant moi une femme dont la physionomie me frappa. Cependant, j'hésitais à la reconnaître, tant il y avait de souffrance dans ses traits amaigris, tant la misère montrait sa trace hideuse dans chaque partie de son vêtement. Mais au cri de surprise qui m'était échappé à son aspect, elle se retourna, et alors il ne me fut plus possible de douter. C'était bien elle, c'était Madame Hadzer. Je l'abordai, et elle même me reconnut aussitôt. « Et Karl ?» lui demandai-je. « Venez, me dit-elle, vous allez le voir. » Nous tournâmes une petite rue, et quelques instants après, nous arrivâmes au dernier étage d'une vieille maison dont l'escalier massif et gluant était obscur en plein jour. Dans une chambre étroite, composée tout leur logement, elle me montra Karl, profondément endormi sur une mauvaise couchette. Lui aussi était bien changé, La fatigue, les soucis, le découragement avaient marqué leur empreinte sur son front que contractaient en ce moment quelques rêves douloureux. « Flora » murmura-t-il. « Oh, pardon, pardon, Flora !» Je regardai la jeune femme, ses yeux étaient mouillés de larmes. « Pauvre Karl » murmurai-je. « Oh, monsieur !» me dit Flora, avec un accent profondément pénétré. « Vous ne le connaissez pas encore. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a dans cette belle âme de tendresse infinie et de généreux dévouement. Si l'amour le plus vrai, si la passion la plus ardente et la plus délicate à la fois pouvait suffire pour assurer le bonheur, je serais la plus fortunée des femmes. Mais il y a dans la vie, dans celle surtout que nous nous étions faites, des luttes à soutenir, des obstacles à vaincre, des répulsions à dominer, des tâches difficiles, ingrates et sans cesse renaissantes à accomplir. Et le pauvre enfant était trop faible pour supporter le poids d'une telle destinée. Pour triompher du malheur que nous avions bravé, il fallait une énergie de volonté qui n'est pas en lui, à laquelle je ne pouvais supplier qu'imparfaitement. Aussi, dit-elle en me montrant par un geste, d'une éloquence navrante, le pauvre ameublement qui garnissait cette misérable chambre. Ainsi, vous voyez. Ainsi, lui dis-je, c'est à Paris que vous êtes venu en partant de Caire. Non, monsieur, c'est à Londres. Et pourquoi avez-vous quitté Londres? Pourquoi? Parce qu'un soir, j'en frémis encore quand j'y songe, monsieur, un soir que j'allais reporter dans un magasin un ouvrage de lingerie, je vis, à la lueur du gaz, monsieur Hatzer, votre mari. Je le vis passer à 10 pas de moi. Je faillis tomber évanoui sur le pavé, et je vous le répète, monsieur, à ce seul souvenir, je tremble encore aujourd'hui. En effet, elle frémissait de tous ses membres. Puisqu'il est à Londres, reprit-elle, c'est qu'il savait que nous habitions cette ville. Il n'y avait donc pas un moment à perdre, et dans la nuit même, nous quittions Londres pour nous rendre à Paris. Maintenant, grâce au ciel, il a perdu votre trace, et vous n'avez plus rien à redouter de lui. Oh ! Dit Flora, en levant les yeux au ciel. Vous ne savez pas ce que c'est que cet homme, monsieur. Vous ne diriez pas cela si vous le connaissiez comme moi. Dans quelque coin du monde que nous nous cachions, nous ne sommes nulle part, à l'abri de sa vengeance, et j'ai la certitude que je mourrai de sa main. Quelle horrible pensée. Oh, ce n'est pas ce qui est horrible, monsieur. Mais quand je songe que lui aussi, ce pauvre Karl si doux, si aimant, et qui a déjà tant souffert pour moi. Quand je songe qu'il le tuera. Oh, monsieur, voilà ce qui m'épouvante, voilà ce qui me jette dans des terreurs et des désespoirs à me rendre folle. Elle était en proie à une exaltation extrême en me parlant ainsi. Je fis mes efforts pour la calmer. Je crois, lui dis-je, que vous vous abandonnez trop facilement à ces idées funestes et que vous attribuez au docteur une puissance exagérée. Oubliez donc un moment toutes ces craintes et occupons-nous tous deux d'arracher Karl à cette position fâcheuse. Elle voulut faire une objection. Laissez-moi, lui dis-je, chercher un logement convenable que vous pourriez habiter dès demain. Karl est intelligent. Je le mettrai à même de se faire une meilleure position. Il s'acquittera plus tard. Eh bien, soit, dit Flora, j'accepte pour lui, car cette misère le mine et influe parfois d'une façon inquiétante sur ses facultés. Je m'opposais à ce qu'elle éveillât Karl, auquel je me faisais une joie de causer une double surprise, et je partis en promettant à Flora de venir le lendemain de bonne heure. Le soir même, j'avais trouvé dans mon quartier un logement à mon goût. Ce fut donc avec la joie et l'espoir dans le cœur que je me rendis rue des Écuries d'Artois. Je mettais le pied sur la première marche de l'escalier lorsque j'entendis un grand cri, suivi aussitôt d'un tumulte effroyable, parmi lequel il me sembla distinguer comme le bruit d'une lutte. Je m'élance, saisi d'un pressentiment sinistre, et arrivé au dernier étage, je vois avec terreur la chambre de Karl encombrée de monde. J'entre, et là, un horrible tableau frappe mes yeux. Sur le lit où la veille j'avais trouvé Karl endormi, je le vois étendu immobile, les traits couverts d'une pâleur mortelle et perdant tout son sang par une blessure profonde faite à l'endroit du cœur. Il rendait le dernier soupir. À deux pas de lui, Flora était assise à terre, l'œil fixe, les cheveux épars et balbutiant des paroles incohérentes. Elle avait été subitement frappée de folie en voyant tomber Karl. Enfin, dans un coin de la pièce, j'aperçus le docteur Hatzer immobile, les bras croisés sur la poitrine et regardant tour à tour avec une sombre impassibilité sa femme folle et le cadavre de Karl. Deux mois après, le docteur Hatzer paraissait devant la cour d'assises comme prévenu d'homicide. Il fut acquitté et se retira dans un des plus pauvres villages de l'Auvergne, où il exerce gratuitement sa profession. Ainsi s'achève Flora Hatzer par Constant Guéroux.